Unité 11, 3, B. Madame, vous désirez ? Oui, bonjour. Voilà, je cherche un appareil pour, comment dire, pour mon pull-over. Un appareil pour votre pull-over ? Oui, je sais que ça existe, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui. C'est un petit appareil qui sert à enlever. Vous savez, quand vous lavez certains pull-over, eh bien, après plusieurs lavages, ils ne sont pas beaux. Vous voyez ? Ah, oui, vous voulez une brosse ? Non, non, une brosse normale, non. Ce n'est pas une brosse, c'est un appareil qui peut marcher avec des piles ou avec de l'électricité. Un appareil qui marche avec des piles ? Oui, ça fonctionne comme un rasoir, mais pour les pulls au vert. Comme un rasoir ? Oui, enfin, il suffit de le passer sur le pull et les peluches disparaissent. Ça laisse les pulls impeccables, c'est très pratique. Et après, vous pouvez ouvrir la boîte en plastique pour vider les... Ah oui, je vois. Vous voulez une brosse anti-peluche. Oui, c'est ça, une brosse anti-peluche. Ah bon alors, madame. Ah oui, mais non, je ne l'en ai pas. Ce que j'ai, ce sont des brosses autocollantes. Non, ce n'est pas ça du tout. Vous n'avez pas des brosses qui marchent avec des piles ou avec de l'électricité ? C'est plutôt une sorte de rasoir. Non, je suis désolée, madame.